OK. Ce soir, nous aborderons un sujet très, très, très intéressant dans le développement de l'individu. La différence entre vivre une expérience et souvent la répéter au cours de sa vie et vivre le même type de situation, mais comme un événement strictement, d'une façon très objective. Nous avons donc ici Bernard de Montréal pour nous entretenir sur ce sujet. Bernard. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Bon, le sujet, Bernard, c'est la relation entre vivre une expérience et vivre la situation d'une expérience comme un événement, donc d'une façon plus mentale. On est dans notre programmation de vie, on est obligé de faire face à certaines situations, à certaines conditions de vie. Et quand est-ce que l'être est prisonnier de sa programmation? Et dans le sens, évidemment, qu'il vit de l'expérience, qu'il est soudé à une expérience souvent qui se répète sous multiples formes et multiples occasions. Et quand est-ce qu'un individu va être plongé dans le même type de situation à vivre des grosses impressions et à traiter avec cette situation-là strictement comme un événement, sans qu'il soit pris par l'obligation de vivre ça à répétition? Qu'est-ce qui fait la nuance entre les deux éléments, l'expérience et l'événement? Pour que l'homme vive, excusez-moi si je manque de souffle là parce que je suis dans une période difficile. Pour que l'homme vive sa vie au niveau de l'événement et qu'il ne soit pas pris dans l'expérience, ça demande une conscience suffisamment avancée pour qu'il puisse interpréter ce qu'il vit, non pas à travers sa personnalité, mais à travers son esprit. Donc, ça demande une conscience mentale suffisamment développée pour que l'homme ne soit pas assiégé par les craintes. Quand on vit de l'expérience, on vit de la crainte. Quand on vit un événement, on ne vit pas de la crainte. On fait simplement observer ce qui se passe, puis on détache notre personnalité de notre conscience mentale, dans le sens que on n'est pas impliqué dans l'expérience. On ne vit pas d'expérience. Vivre de l'expérience, c'est être dans la noirceur de ce qui se passe entre le plan matériel et le plan de l'esprit. Un homme qui a une conscience mentale, c'est-à-dire une conscience qui est capable d'interpréter sans astralisation le phénomène de la vie à n'importe quel niveau, n'a pas besoin de vivre l'expérience parce que déjà il est en dehors de l'expérience. Il semble être dans l'expérience à celui qui l'observe, parce qu'il peut y avoir de la souffrance, mais lui-même, il est en dehors de l'expérience parce qu'il ne pense pas à ce qu'il vit en fonction de sa personnalité, c'est-à-dire en fonction de l'âme qui, elle, est aveugle. Donc, il vit dans son esprit. Ce qu'on appelle l'événement devient à ce moment-là nécessaire, utile, et devient aussi un genre de flagship pour sa compréhension, c'est-à-dire qu'il y a des expériences ou des événements fondamentaux qu'on vit dans la vie qui sont nécessaires pour nous faire prendre une nouvelle direction. Là, je suis en train d'en vivre un événement présentement, là. Puis au niveau de ma santé physique. Cet événement-là, il est nécessaire. Pourquoi? Parce que peut-être que je dois cesser de donner des conférences en public. Peut-être que je dois continuer à donner des conférences en public. Peut-être que je dois en faire moins de conférences. Peut-être que je dois écrire, et ainsi de suite, ainsi de suite. Autrement dit, il y a tout un autre mouvement de mon énergie qui est en train de s'articuler. Donc, à cause de la facilité que j'ai à créer, les forces de vie, donc les forces de l'esprit, sont obligées de me mettre un gros obstacle pour que j'aille dans une autre direction, sinon je continuerai ad infinitum comme ça. Mm-hmm. Donc j'ai besoin d'être très très malade. Comme là présentement, je suis très malade dans mes poumons, au niveau d'une bactérie dans mes poumons. Bon, mais ça va durer quelques temps. Mais c'est ça qui va me faire changer de direction. Donc, ma maladie est très importante, est très bonne, elle est très belle, est nécessaire. Elle ne m'inquiète pas. Elle inquiète plus le médecin que moi, et ainsi de suite. Alors, à ce moment-là, je ne vis pas d'expérience. Je vis un événement. Okay. Puis si je vais par en dedans, je demande si je suis malade, on va me dire, non, t'es pas malade. Puis effectivement, je suis pas malade. On a simplement créé une situation pour me forcer à changer mon orientation. Puis on verra ça probablement au cours des mois et des semaines à venir. C'est pour ça que je dis que pour que l'homme puisse vivre en dehors de l'expérience, il faut qu'il soit en dehors de sa personnalité. Donc, il faut qu'il soit dans son esprit. Il faut qu'il soit sur le plan mental. Donc, un événement, s'il n'est pas réfléchi, s'il n'est pas n'engage réfléchi. Pas une forme c'est d'expérience. C'est ça, exactement. OK. Donc, ça veut dire que les gens qui ont à répéter une expérience à de multiples reprises, c'est des gens qui émotivent leur... Des gens qui répètent constamment leur expérience sont des gens qui perdent dans la vie l'opportunité de s'aligner sur une traque qui leur est favorable. Donc, ils sont toujours à la course à l'expérience parce que l'âme manque de maturité. Mm-hmm. Et l'âme, je vais vous en parler de ça. Le manque de maturité de l'âme, qu'est-ce que c'est? On sait qu'est-ce que c'est le manque de maturité de la personnalité, de l'ego. Le manque de maturité de l'âme, c'est une impression que crée constamment l'âme dans les corps subtils de l'homme, donc dans le mental et dans le corps émotionnel, parce que l'homme a tendance à croire, à s'identifier avec la progéniture des événements dans la vie comme étant essentiellement fabriquée par lui. Mm-hmm. Et ce n'est pas le cas. Okay. Il n'y a rien dans la vie qui est fabriqué par l'homme. Tout est fabriqué dans l'arrière-théâtre de sa conscience. Tout est fabriqué par des forces qui font partie de lui, mais qu'il doit, avec le temps, en arriver à interpréter, mais interpréter de façon spécifique, claire, non spirituelle, non astralisée. L'homme a besoin de beaucoup d'informations dans la vie parce que la vie, c'est très, très complexe et on ne reçoit pas suffisamment d'informations. Pour accéder à beaucoup d'informations, à toujours de l'information, il va falloir que l'homme se déshabille, c'est-à-dire qu'il laisse un peu de côté sa personnalité, puis qu'il se laisse imprégner par ses forces créatives qui sont capables de l'informer dans la mesure où lui, il est prêt à recevoir cette information-là sans la colorer. Je vous donne un exemple. Là, je suis malade. Au niveau médical, je suis malade. Mais si je vais par en dedans, je ne suis pas malade. Alors, mm-hmm. De quel côté je vais? Je vais-tu par en dedans, je ne suis pas malade? Ou je vais-tu du côté médical, je suis malade? Les deux côtés ont raison. Le côté médical, de son point de vue, me trouve malade. Le côté interne, universel, me trouve pas malade. D'ailleurs, ils sont très contents de ma maladie, qui n'est pas une maladie. Donc, à ce moment-là, je vais dans quelle direction? Si je sors de ma personnalité, je suis pas malade. Si je reste dans ma personnalité, donc avec les craintes humaines, je suis malade. Là, je demeure malade, puis je me guéris pas. Puis ça peut être fatal. Dans l'autre cas, bien, c'est simplement un mouvement temporaire pour m'amener plus loin, pour probablement, éventuellement, pouvoir même expliquer à l'homme. Parce que ma vie, essentiellement, c'est une vie qui me force à expérimenter dans tous les petits recoins de son mouvement pour pouvoir ensuite en déloger des principes ou les expliquer à l'homme. Donc, probablement que cette maladie-là, entre parenthèses, va me permettre d'aller plus loin dans mon étude de l'homme pour vraiment expliquer à l'homme qu'est-ce que c'est la maladie, qu'est-ce que c'est la désorganisation vital de ses corps subtils, pour que l'homme puisse vivre la maladie d'une façon créative, donc non expérientiellement, donc la vivre d'une façon totalement événementielle, puis finalement s'en sortir, parce que quelque part dans la vie, on va tout être malade. dans le temps, on devient malade. Mm-hmm. Donc, c'est normal d'être malade. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de vivre la maladie en tant qu'expérience. Et c'est ça, la programmation de l'âme, c'est ça la faiblesse de la conscience humaine. Et c'est ça que l'homme devra dépasser pour en arriver finalement à pouvoir réaliser que tous ces états internes, psychiques, émotionnels, physiques, sont sujets à être corrigé dans la mesure où la lumière descend tout le temps dans ses corps. Mm-hmm. Alors, la raison pour laquelle l'homme vit tant d'expériences, c'est parce qu'il ne sait pas interpréter l'information qui passe par son mental. Bon, est-ce qu'il faut être coupé du corps, dans le sens d'être toute l'énergie dans sa tête, pour être capable d'être objectif devant les événements de vie? Autant au niveau santé, au niveau financier, au niveau affectif. Est-ce qu'il faut que l'individu soit totalement coupé de ses sens pour être mental? Il ne s'agit pas pour l'homme d'être coupé de ses sens. Il s'agit pour l'homme de pouvoir interpréter l'information qui lui vient dans le mental constamment. Une fois que l'homme est capable d'interpréter ce qui lui vient dans le mental sans l'astraliser, à ce moment-là, automatiquement, il est capable de s'harmoniser à son corps physique. Mm-hmm. Le corps physique, d'ailleurs, ne fonctionne pas seul. Le corps physique fonctionne par rapport à d'autres plans. Mais le problème, c'est que l'homme n'est pas capable d'interpréter de façon objective les lois de causalité qui sous-tendent sa conscience. Il n'y a rien qui se passe dans notre conscience matériel ou sur d'autres plans qui n'est pas explicable, mais ça ne peut pas être expliqué par rapport à la logique humaine. Faut aller plus loin, plus haut que la logique humaine. Et ça, ben, faut avoir des oreilles, faut avoir des oreilles intérieures, puis éventuellement, faut avoir des oreilles déspiritualisées, ce qui est le grand pas là, de l'involution vers l'évolution, puis éventuellement, faut pouvoir reconnaître que dans la mesure où il y a chez l'homme de la lumière, il y a de l'intelligence. Dans la mesure où il y a de l'intelligence, il y a de l'information. Dans la mesure où il y a de l'information, il faut absolument que cette information-là ne soit pas astralisée. Si elle n'est pas astralisée, ben à ce moment-là, il n'y en a plus de problème pour l'homme à n'importe quel niveau. Mais si elle est astralisée, cette information-là, ben à ce moment-là, là, il y a des problèmes pour l'homme. Ça fait partie de son évolution, ça fait partie de son développement. Puis les forces en lui, à ce moment-là, continue la programmation qui a été mise avant l'incarnation, au lieu de l'amener à un niveau plus achevé de sa rencontre avec ces énergies-là, qui est la conscience éthérique, et ainsi de suite. On est en contact avec un environnement qui est pratiquement astral à 95%. Comment ne pas être informé par la forme? Comment ne pas être informé par les impressions qu'on reçoit et vivre une impression qui est strictement au niveau mental? Le médecin qui vous parle, il a une crédibilité publique, il vous dit, lui, que vous êtes malade. Comment ne pas être dans l'impression d'être malade quand c'est quelqu'un pour ça que je vous disais que l'homme doit être à l'écoute de son information intérieure. Le médecin il me disait tout à l'heure, la semaine passée, que j'avais un gros problème d'arythmie cardiaque. Bon, j'ai pris un crayon. Donc, j'ai expliqué pourquoi est-ce que j'avais de l'arythmie. C'est important pour moi d'avoir de l'arythmie. Parce que je dois toujours dépasser le seuil psychologique de la pensée humaine. Alors, l'arythmie, ça fait partie de ma programmation, c'est nécessaire. Fait que c'est pas l'arythmie qui est mon problème. C'est un médecin extraordinaire. D'ailleurs, probablement, éventuellement, je vous en parlerai de ce médecin-là. Je rendrai certainement son nom public. Mais, donc, si le médecin me dit j'ai de l'arythmie, bon, c'est moi de savoir qu'est-ce que c'est de l'arythmie en ce qui me concerne. À quoi ça sert? C'est bon pour moi de l'arythmie. Pourquoi? Bon, mais ça, faut avoir de l'écoute. Faut avoir un contact avec le plan mental. Si t'as pas de contact avec le plan mental, si t'as pas de contact avec ton esprit, à ce moment-là, ben là, tu écoutes le médecin, puis lui, il va s'énerver parce que t'as de l'arythmie. Là, tu deviens énervé, là, tu vis l'expérience. OK. Donc, il n'y a personne dans notre environnement qui peut nous informer de notre état. C'est nous autres qui doivent s'informer. Non, les gens peuvent nous informer de notre état. Par contre, il y a des états qui sont particuliers. Comme dans mon cas, c'est particulier d'avoir un problème d'arythmie, puis en même temps d'avoir un blood pressure d'athlète. Je ne devrais pas avoir une pression sanguine d'athlète, comme il me dit, puis en même temps avoir de l'arythmie. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, il fallait chercher plus loin. Il fallait aller dans d'autres niveaux. C'est un petit peu comme un problème de filière. quand vous êtes dans un bureau et vous avez besoin d'informations, bien, vous allez dans des filières, puis si c'est passé, vous allez plus loin. Vous faites ça dans l'Internet, c'est la même chose. Mais au niveau psychique, c'est la même chose. Il va falloir qu'un jour, l'homme se serve de sa conscience mentale, de sa source, et qu'il apprenne à interpréter l'information en allant toujours en arrière. Puis une fois que l'homme commence à aller par en arrière, tu deviens très, très bon secrétaire. Mm-hmm. Tu deviens très, très habilité à réellement fouiller et aller chercher l'information, puis à ce moment-là, bien, tu vis plus d'expérience. Mm-hmm. Ces éléments-là, c'est évident que ces éléments-là font partie de la psychologie évolutionnaire. D'ailleurs, c'est probablement le nom que je vais donner à la psychologie supramentale, parce qu'un jour, je vais changer le thème de la psychologie supramentale, puis je vais appeler ça la psychologie évolutionnaire, parce que c'est réellement une psychologie évolutionnaire. Puis ça n'a pas de fin, cette psychologie-là. Dans la mesure où l'homme n'a pas de fin, dans la mesure où l'homme est capable de réellement fouiller des archives, l'homme va trouver des choses extraordinaires concernant la nature de sa réalité à tous les niveaux. Mm-hmm. Mais il faut qu'il fouille. Fouiller, ça veut dire savoir interpréter objectivement, constamment, ce qui lui vient dans le cerveau. Mm-hmm. Bon, j'ai établi que la pensée vient d'ailleurs. Bon, on sait déjà ça. À partir du moment où on s'est établi que la pensée vient d'ailleurs, ben à ce moment-là, l'homme est plus adapté psychologiquement et psychiquement pour fuyer, puis fuyer, puis fuyer. Donner une attention particulière à des pensées qui sont différentes. Différentes, puis effectivement, les pensées vont être différentes. Mm-hmm. Si vous fuyez dans le mental, vous dites, je suis malade, puis vous répondez non, t'es pas malade, point final. Mm-hmm. C'est pas le même taux vibratoire, ça, que de se faire dire, ouais, t'es mourant. Mm-hmm. Tu sais, c'est un autre taux vibratoire. Ouais. Ça fait que c'est ça, il faut que l'homme s'habitue. Mm-hmm. Mais il faut qu'il sorte un petit peu de sa personnalité pour ça. Bon, est-ce qu'un des moyens de cela, Bernard, c'est de savoir que quand on est devant un jugement, là, on regarde une situation, et puis c'est sûr, c'est une expérience qui est généralement pas agréable, et on serait porté à la juger d'une façon normative ou normale, d'être capable d'aller au-delà de la norme et questionner cette norme-là pour savoir pourquoi ça arrive. Est-ce qu'on devrait aller chercher un niveau d'information qui n'est pas normal devant les événements? Ça dépend, parce que les forces qui font partie de la conscience mentale de l'homme vont toujours travailler. Ça travaille tout le temps, ces forces-là. Fait que si vous dites, pourquoi est-ce que je vis ça? Ils peuvent vous dire pourquoi. Puis ils peuvent ne pas vous dire pourquoi. Ils peuvent couper complètement le contact, vous laisser là en suspension. Mais que vous soyez en suspension ou que vous soyez en communication, ça n'a pas d'importance parce que vous devez, en tant qu'être, demeurer ou être la substance de toute chose. Et la substance de toute chose, c'est l'absence de crainte. La seule chose chez l'homme que je déplore, c'est la crainte. Puis, parce que la crainte, c'est une invasion de son âme par les forces psychiques supérieures. Yes. La crainte, c'est pas... La crainte, c'est l'invasion de l'âme par les forces de lumière. Nous autres, on pense que la crainte, ça vient de l'âme. La crainte ne vient pas de l'âme. La crainte, c'est un niveau de pensée qui n'est pas dévoilé à l'âme, qui est gardé simplement en vibration et en pulsion, qui passe à travers l'âme et qui lui donne... qui lui crée de la réflexion. La crainte ne vient pas de l'âme. La crainte ne vient pas de l'âme. Ça, c'est un autre aspect du mensonge cosmique qui devrait être un jour éliminé pour créer les fondations psychologiques ou les fondations scientifiques de la psychologie évolutionnaire. La crainte ne vient pas de l'âme. Elle vient des plans supérieurs. Mais quand l'homme vit cette énergie-là et qu'elle passe à travers l'âme, elle crée des réflexions, et c'est là que l'homme doit être assez intelligent pour savoir qu'il a la chance de la dépasser, c'est-à-dire d'interpréter le phénomène d'une façon objective, donc ne pas avoir de crainte, ou subir le phénomène, vivre l'expérience et vivre la crainte, dont toutes les sous-conditions créent un empoisonnement du corps éthérique, du corps astral, du corps mental, et ainsi de suite, parce que la crainte, ça crée des toxiques. Donc, une personne peut, juste par le mental, se laisser ou non envahir par la crainte. Un être se laisse toujours envahir par la crainte à travers le mental, parce qu'il ne sait pas, interpréter l'information. Alors, les forces de la lumière qui sont toujours présentes en lui Donc, la pensée qui est toujours présente travaille toujours à ajuster leur relation avec l'homme, parce que ça fait partie du processus de fusion éventuelle de l'humanité. Mm-hmm. Donc, il y a toujours un travail qui se fait. Puis une fois que ce travail-là est fait, à ce moment-là, bien, l'homme passe à une autre étape de son évolution. Mais c'est nécessaire que l'homme comprenne, réalise un peu la mécanique réellement occulte de la crainte. Parce que, pardon, la crainte, c'est très occulte. Fait que si moi je vis une crainte, par exemple, mais je vais aller par en dame, je vais dire, bon ben, qu'est-ce que vous voulez, là? C'est quoi votre connerie, là? Là, ils vont arrêter. Parce que je sais interpréter le mécanisme psychologique de la crainte, mais l'homme ne le sait pas, parce que déjà, l'homme n'a pas suffisamment de conscience mentale, il a beaucoup plus de conscience astrale, et automatiquement, il vit beaucoup plus l'expérience connecté à l'âme, que l'événement connecté à son esprit, qu'il sait découvrir à chaque instant de sa vie. La clé pour connecter avec l'esprit, c'est premièrement savoir que ces forces-là existent. Ouais, la clé pour connecter avec l'esprit, effectivement, faut que tu saches que ces forces-là existent. Par contre, faut que tu vives une expérience dans ta vie qui va t'amener à les réaliser. Tu peux pas prendre conscience que ces forces-là existent simplement de façon philosophique. Il faut quelque part que l'homme vive une expérience qui va l'amener à une certaine sensibilisation, comme le médecin me disait aujourd'hui, à une certaine conscience, une conscience qui se développe. Puis une fois que cette conscience-là se développe, elle grandit, puis éventuellement, elle devient facilement télépathique. OK. Fait que c'est toujours un choc. Ça demande une expérience quelconque. Un contact un peu avec une forme d'abnormalité. Parce que le contact avec l'invisible, c'est toujours anormal un petit peu. Faut-tu une expérience qui rende un petit peu l'être... Je veux seulement ajouter quelque chose, là. Parce que ma femme est avec moi aujourd'hui, fait que... quand je suis malade, ainsi de suite, puis surtout quand je suis gravement malade, ma femme a dit, bon, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, puis le contact est coupé. Fait que moi, quand je suis en crise, le contact est coupé. Je suis censé être capable d'être équilibré, moi, que j'ai un contact ou que j'ai pas de contact. Fait que je m'en vais au bureau du médecin. Puis là, aussitôt que je suis dans le bureau du médecin, puis qu'on parle de... on a parlé de cancer, on a parlé de toutes sortes de choses, pas en ce qui me concerne, là, mais on parlait de maladie, puis on a parlé de médecine, ainsi de suite. Fait que là, ils viennent tout énerver en haut, là. Là, ils veulent communiquer, là. Là, je te voulais dire à ma femme, mais passe-moi un petit morceau de papier et mes crayons, là, puis je vais lui expliquer qu'est-ce que c'est le AIDS, puis qu'est-ce que c'est le cancer, puis pourquoi, ainsi de suite, qu'est-ce que c'est les chats, pourquoi est-ce qu'il y a des chats sur la planète, ça fait quoi des chats sur la planète. Là, ils viennent tout énervés en haut, ils veulent communiquer avec l'homme, ils sont fous comme de merde. Fait que moi, chez nous, là, je suis bien fatigué, je suis bien malade, puis il n'y a pas de communication. Mais aussitôt, là, qu'il y a la chance de communiquer avec quelqu'un, là, ils viennent tout croche. Fait que ça te dit quoi, ça? Ça veut dire que quand on ne parle pas, il n'afte pas. Puis quand on parle, il crie donc. Fait que, éventuellement, tu deviens habitué, genre. Fait qu'une minute, t'ésaillis, une minute, t'ésaillis pas, une minute, t'ésaillis, une minute, t'ésaillis pas. C'est un petit peu comme un mariage, t'sais. C'est le magasin. Tandis que vous autres, si vous les aimez tout le temps, là, vous avez un problème. Vous êtes spirituel. C'est ça, être spirituel, c'est les aimer tout le temps. Mais un jour, ben, vous allez les aimer, les haïr, les aimer, les haïr. Puis quand vous êtes rendu comme moi, vous allez les haïr plus souvent que vous allez les aimer, et ça. Mais comment se fait qu'il ne s'énerve pas sur votre cas? Quand c'est pour vous? Comment se fait que ça? Ils vous font expliquer des affaires pour la planète, mais ils sont pas sur votre cas pour vous expliquer ce qui se passe. Parce que mon cas ou l'événement que je vis est important pour que je fasse d'autres choses. Ouais. Fait qu'ils vous préparent. Ils sont sur votre cas, mais ouais, ils me préparent. Vibratoirement, mais pas au niveau de la parole, au niveau de les. Parce que le médecin, vous y avez parlé, vous y avez expliqué des choses. Ouais. OK? Donc, l'information passait à ce moment-là. Mais quand vous la demandez pour vous, là, ouais, ils ne vous le disent pas. Non, ils ne me le diront pas parce qu'ils sont baveux. Puis, ils veulent te garder en état de crise. C'est la crise qui est importante. OK. Donc, pour eux autres, c'est comme pas important. C'est comme les piqûres. Moi, les piqûres, c'est ma phobie depuis que je suis petit gars. Puis là, c'est rendu, cette semaine, je n'ai eu quatre, une par jour. Boum, boum, boum, boum, des piqûres, des grosses intraveineuses. Là, je commence à aimer ça. Pourquoi? Parce que j'ai dépassé le côté astral de la piqûre. Fait que ça fait partie de ma crise, la piqûre. Vous autres, c'est rien. Vous vous faites donner des piqûres, puis vous êtes content, puis vous chantez des chansons. Mais pour un homme qui est sensible comme moi, avoir une piqûre, c'est une initiation physique. Fait que c'est la connexion de mon mental avec mon physique. Fait que j'ai eu cette semaine, j'ai eu une semaine merveilleuse. Fait que, mais ça fait un an, deux ans que je l'attends, cette initiation physique-là. Puis ils te disent pas comment tu vas vivre ton initiation physique. Fait que là, je l'ai vécu cette semaine, mon initiation physique. Je m'y ai fait piquer, piquer, piquer, piquer. Puis là, je commence à aimer ça, même. Je suis quasiment comme un drogué. Là, je commence à aimer ça à piqûre. Pourquoi? Parce que j'ai dépassé le plan astral de l'impression que ça crée au niveau de l'âme. Fait qu'à ce moment-là, ben, c'est encore, ça fait encore de perfectionner la fusion, la relation, l'intégration d'énergie. Fait que ça dépend comment est-ce que tu regardes la situation, l'expérience. Nous autres, en tant que, je sais pas si on peut appeler ça, en tant qu'être humain, par rapport à ces forces-là, on a-tu à accepter d'être des rats de laboratoire? Vous êtes des rats de laboratoire, hein, oui. La seule différence entre vous autres et moi, c'est que moi, je sais que je suis un laboratoire. Puis, je sais que je suis dans un laboratoire, je sais ce que le médecin peut faire, peut pas faire. Je suis capable de travailler avec le médecin dans le laboratoire. Tandis que vous autres, vous êtes dans le laboratoire. Puis, on est anesthésié. Vous êtes anesthésié. Moi, je suis capable de savoir que dans deux ans, je vais être dans le laboratoire. Fait que c'est que la différence entre l'homme, entre vous autres et moi, c'est que l'information. C'est une affaire d'information. Mm-hmm. C'est quoi la différence entre un gars qui a accès à l'Internet et un gars qui a accès à des petits filières dans son bureau? C'est une affaire de dimension. Mm-hmm. Puis l'homme va s'habituer à ça. Mais il faut que l'homme soit informé. On a besoin au 21e siècle. À la fin du 20e siècle, puis au 21e siècle, puis au 22e siècle, on va avoir besoin de beaucoup, beaucoup d'informations concernant la structure psychique de l'ego, de l'âme. Comment est-ce que c'est quoi l'âme? C'est quoi l'esprit? C'est comment ça marche, cette affaire-là? Surtout le monde de la pensée, parce que c'est tout là que ça se joue. Quand ces forces-là viennent interférer, si on peut dire, pour nous autres, en tout cas, c'est de l'interférence, viennent interférer dans notre vie, puis nous composent ni plus ni moins des plateaux d'expérience. Ils ont une direction, ils ont, on pourrait dire, une intention avec notre personne. Est-ce qu'il y a un point commun pour toutes les vies des gens, là, toutes les gens qui sont ici dans la salle, est-ce qu'il y a un point commun dans la façon dont ils nous emmènent, où ils nous enlignent, ou à quel endroit ils veulent qu'on aille, ou quelles conditions de vie qu'on doit avoir pour eux autres, comme quoi ça fait leur affaire, là? Y a-t-il quelque chose de commun à chaque être humain? Ce qu'il y a de commun en ce qui concerne l'homme de la Terre, éventuellement, c'est le contact avec eux autres. Ils veulent le contact avec l'âme. Éventuellement, ils veulent la fusion avec l'âme. Éventuellement, ils veulent la conscience éthérique de l'âme. Éventuellement, ils veulent que l'homme meure. Autrement dit, laisse son enveloppe charnelle, retourne pas à l'astral, puis continue sur le plan matériel, sur le plan éthérique. Je veux dire. Donc, il y a une... On parle d'évolution, on regarde la planète, il y a une évolution en science, il y a une évolution en architecture, il y a une évolution en tout. Mais il n'y a pas encore suffisamment d'évolution au niveau du psychisme humain. Donc, on a des hommes qui sont très, très savants dans les sciences matérielles, mais l'homme ne connaît rien de son psychisme. Puis son psychisme, c'est la fondation de son être. Mm-hmm. Puis l'homme, un jour, doit en arriver à pouvoir travailler avec ce qu'on a aujourd'hui, on appelle les forces occultes. On les appelle les forces occultes parce que, en général, on les voit pas, on n'a pas contact avec eux autres, on les connaît pas dans un mode de matérialisation. Faut qu'on comprenne, faut qu'on réalise qu'on est dans une phase d'évolution, de psychologie évolutionnaire. C'est-à-dire que l'homme, dans les siècles qui viennent, l'homme ne sera plus pareil au niveau psychique. Donc, moi, je vis une fusion parce que c'est nécessaire que mes réflexes naturels soient arrêtés pour que d'autres formes d'expression se fassent pour commencer un mouvement de science et d'information. Mais l'homme va le vivre à son niveau, les hommes vont le vivre à leur niveau, à différents niveaux. L'homme ne vivra pas nécessairement une fusion intégrale comme la mienne. C'est pas nécessaire parce que c'est un changement de vie qui est trop difficile. C'est difficile d'être un initié. Personne ne veut être un initié. Mais l'homme apprendra à reconnaître en lui des conditions fondamentales qui sont le testament de son unité avec ces forces-là. Puis qu'est-ce qui se passera au niveau de son expérience occulte? Mais on le verra au fur et à mesure. que l'homme prendra conscience des plans subtils, mais il faut qu'il prenne d'abord conscience de sa pensée et des mécanismes subtils qui peuvent manipuler sa pensée, dont ce que j'appelle le mensonge cosmique. C'est abominable, le mensonge. Vous autres, vous voyez le mensonge en fonction de votre expérience particulière, en fonction de vos relations humaines sur la Terre. Mais quand vous allez dans les filières, puis vous regardez le mensonge, la constitution, l'institution du mensonge, dans le cosmos invisible, par rapport à l'homme, à ce moment-là, vous comprenez pourquoi est-ce que l'homme, sur la Terre, ne peut pas mourir quand il veut. Parce qu'un homme est supposé, techniquement, mourir quand il veut. T'es pas supposé, sur le plan universel, mourir parce que t'es programmé à mourir à telle date. Ça, ça fait partie des forces de l'âme, ça fait partie de la programmation astrale de l'âme. Un jour, l'homme devra mourir quand tu veux. Puis c'est facile, mourir quand tu veux, parce que tu sais que tu as fini ici. Si tu sors de ton corps matériel, tu sors en conscience éthérique. Fait que tu t'éloignes, puis tu reviens plus, tu regardes plus en arrière. Fait qu'à ce moment-là, mourir quand tu veux, ben, la mort n'existe plus. Mais mourir quand c'est pas le temps, mourir d'un accident, mourir parce que tu as le cancer, mourir parce que tu te fais tirer une balle, c'est à la rue quand tu arrives au coin de la rue. Ça fait partie des lois astrales de la programmation. Puis un jour, il faut que ça arrête. Bon, c'est évident que là, je parle comme un initié, puis je dis, un jour, il faut que ça arrête. Je suis très, très conscient que l'homme doit passer par l'évolution et le développement d'une sixième race racine, qui éventuellement mènera au développement et à l'évolution d'une septième race racine. Mais après la formation et le développement de la septième race racine, l'homme n'aurait plus besoin de corps matériel. À ce moment-là, l'homme pourra composer simplement avec l'énergie, se matérialiser, se dématérialiser, et sa science sera à la mesure de sa conscience. L'homme pourra avoir des vaisseaux pour voyager dans l'espace qui seront à la mesure de cette science extraordinaire-là qui fait partie de l'information qu'il recevra des plans subtils. Mais pour que l'homme puisse travailler avec les plans subtils sur une base informative, donc scientifique, il faut qu'il soit absolument transmuté au niveau de ses corps pour que les plans soient tout ajustés. Sans ça, l'homme, à cause de son ego, puis à cause de sa personnalité, perturberait tout ça. À cause du pouvoir, ainsi de suite. Donc, eux autres vont se servir de tout ce qui, dans l'expérience humaine, peut freiner cette connexion-là. Ils vont brûler tout ce qui peut empêcher la connexion avec eux autres. Ils vont brûler tout ce qui peut empêcher la connexion avec eux autres d'une façon astrale. Mm-hmm. Ils sont pas intéressés à un ajusteur de pensée, c'est pas une entité. Mm-hmm. Si vous mourrez demain matin, vous allez sur le plan astral, puis vous communiquez avec moi, vous demeurez une entité. Tandis qu'un ajusteur de pensée, c'est pas une entité. Ce sont des êtres de lumière qui n'ont pas d'incarnation, qui n'ont jamais eu d'incarnation, qui n'auront jamais d'incarnation. Donc, ils sont tellement loin dans le temps du monde des entités astrales que ces êtres-là, techniquement, sont parfaits. Seulement que la façon dont ils traitent avec nous autres, c'est pas une façon qui fait toujours notre affaire. Pourquoi? Parce qu'on a une conscience imparfaite. Puis on voudrait être traité. On voudrait qu'ils traitent avec nous autres de façon parfaite. Puis c'est impossible parce que c'est des jeux d'énergie. On ne pourrait pas le prendre. Regardez ce qui se passe quand... Regardez ce qui se passe dans notre vie quand on vit des moments de grande joie, puis de grand plaisir, et ainsi de suite. On tombe en larmes, c'est too much, c'est trop. Donc, pourquoi est-ce que c'est trop? Pourquoi est-ce que l'homme n'est pas capable de faire face au trop plein de la beauté universelle, puis pas craquer au niveau de ses corps subtils? C'est parce qu'il est trop spirituel, c'est parce qu'il n'est pas, il n'a pas éliminé de sa conscience, les toxins de la spiritualité. Fait qu'aujourd'hui, imaginez-vous, on est chanceux dans un sens au Québec parce que on a accès à de l'information qui réellement dépasse le seuil de la conscience psychologique de l'humanité. Mais si vous regardez ce qui se passe dans le monde, ça se fera jamais sur une base collective, ça. Ça se fera sur une base individuelle. Il y a des hommes qui atteindront des niveaux de conscience puis régiront leur énergie à partir de ces plans de conscience-là. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un travail qui se fasse. On commence maintenant à avoir une science pour nous expliquer comment est-ce que ça marche, les fondations de la psychologie ultime universelle de l'homme. Mais on peut pas penser comme on pensait avant, on peut pas penser avec les paramètres qui ont été formés pendant la naissance de l'humanité. Comment se fait que dans la dynamique d'une vie, on est laissé vivre des expériences si eux autres, le travail, c'est d'éliminer les jeux d'impression astrale qu'on a à... Les jeux d'impression astrale qu'on a à éliminer, ça fait partie de la transmutation de nos corps. Ça n'a rien à voir avec eux autres. Eux autres nous connaissent, ils connaissent, ils ont la science de nos corps subtils, puis ils nous connaissent très bien individuellement, puis ils savent que telle expérience, ça va nous amener à tel niveau, puis à tel niveau, à tel niveau, dépendant du niveau d'évolution de l'âme. Il y a des gens que, comme vous disiez tout à l'heure, ils prennent une expérience, puis ça suffit, puis ils vont plus loin. Il y en a des gens qui sont obligés de vivre la même expérience 3 fois, 4 fois, 5 fois. Fait qu'on est tous différents, on a différentes capacités d'apprentissage, différentes capacités d'apprendre, puis de changer de niveau, puis de changer de niveau, puis de changer de niveau. Autrement dit, on a différentes capacités d'être intelligent. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui fait la différence de capacité entre les êtres? C'est quoi la composition de l'âme qui permet de mieux absorber ou non une chose? Oh, c'est la proximité qu'on a avec eux autres. Si un être est éloigné de sa source, donc son ajusteur de pensée, si vous voulez, ou son double, appelez ça comme vous voulez, mais plus c'est difficile pour lui de reconnaître son intelligence. Parce qu'un homme qui est intelligent, moindrement intelligent, qui vit une expérience, il reconnaît dans l'expérience la fourberie de l'expérience. Mm-hmm. Donc, il tente ça. Okay. Parce qu'un homme qui n'est pas intelligent, ben, il ne reconnaît pas la fourberie de l'intelligence, de l'expérience. Parce que dans l'expérience qui est fourbe, il y a un plaisir astral. Il y a une illusion là qui fait partie et qui colle à sa personnalité. Ainsi de suite. Puis qui est entretenu aussi. Qui est entretenu. Okay. Tandis qu'un homme qui est moindrement intelligent, puis être intelligent, pour moi, ça ne veut pas dire aller à l'université. Là. Être intelligent, ça veut dire avoir conscience de sa source, pouvoir parler avec, puis interpréter le phénomène humain. Mais à ce moment-là, tu ne peux plus vivre l'expérience pareille 2 fois. Tu vas vivre 1 fois, tu dépasses, ton taux vibratoire change, puis tu deviens de plus en plus intelligent. Il a le problème de l'âme. Il est trop loin de sa source. Puis c'est normal qu'il soit loin de sa source parce que la clé, la science de l'esprit, on ne l'a jamais eue. Parce qu'on a été endoctriné pendant des siècles par des religions. Fait qu'à ce temps que ça commence à pour une certaine humanité, que ça commence à prendre du recul, ça. À ce moment-là, l'homme va rentrer dans sa propre éducation interne. Dans sa propre compréhension des lois occultes de la vie, parce que à ce moment-là, c'est évident qu'il va avoir une grande déspiritualisation, puis éventuellement, il va tasser le caractère spirituel occulte de sa conscience évolutive pour entrer dans le caractère cosmico-universel de sa conscience évolutive ou de sa psychologie évolutive. À ce moment-là, tout ce qu'il vit en tant qu'expérience, c'est transposé sur un autre plan, ça devient un événement qu'il comprend, avec lequel il compose sans crainte. Les anciens disaient « l'expérience, ça se transmet pas ». Est-ce qu'on pourrait dire que de l'intégration, ça se transmet? L'expérience, ça se transmet pas. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est encore un autre mensonge. C'est abominable, les mensonges. La seule raison que c'est vrai qu'on dit que l'expérience, ça se transmet pas, c'est parce que les enfants, les êtres, n'ont pas été mis en confiance intelligente par rapport à d'autres êtres. Supposons que vous étiez mon père, puis que j'aurais pour vous un grand respect au niveau de votre intelligence. Je parle pas de la logique, là. Je parle de la lumière, de l'intelligence. Puis vous me diriez, Bernard, telle affaire, si tu fais telle affaire, ça va créer telle affaire. À ce moment-là, je le ferai pas, parce que je baserai toute ma relation de vie sur le rapport entre mon esprit et le vôtre, et je m'empêcherai de vivre de l'expérience. Mm-hmm. Ça serait possible si vous étiez un père conscient. Oui, mais ça suppose aussi que vous êtes un enfant conscient. Oui, tout ça, ça fait toute partie de ça. Si vous êtes un père conscient, vous allez développer de la conscience chez l'enfant. Ouais. C'est automatique, oui. C'est automatique. C'est automatique. Ça va être à différents degrés, mais de la conscience, ça engendre de la conscience. Tandis que pendant l'évolution, on n'avait pas des pères ou des mères conscientes, donc les enfants ne pouvaient pas, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu le « generation gap ». À un certain moment donné, les enfants ont dit « Bon, vous êtes des vrais cons, vous autres, là, on va prendre nos distances, parce que vous êtes réellement des cons. » Les années 60, je parle. Mm-hmm. Puis effectivement, il y avait raison, jusqu'à un certain point, des jeunes, parce qu'on était réellement des cons. Tandis que dans l'évolution de la conscience supplémentaire sur la Terre, où, dans l'évolution de la conscience évolutionnaire, éventuellement, les enfants vont reconnaître la lumière des parents. Donc, les parents, quand les parents vont ajuster leur astralité, les enfants vont être contents, puis vont passer à côté pour ne pas vivre d'expérience. Ça, c'est le succès. La gratuité, ça sera le résultat de l'application de cette science-là dans les nouvelles générations conscientes de l'homme. Mm-hmm. Ça veut dire que les jeunes, ça dit pas les jeunes, mais les gens peuvent absorber la lumière de l'autre. Les gens peuvent être mis en vibration par la lumière de l'autre. Ils l'absorbent pas, ils sont mis en vibration. Dans le sens que ils sont capables de facilement reconnaître de l'intelligence parce qu'il n'y a plus de problème de personnalité entre les êtres. Mm-hmm. Ce qui fait que les êtres sont toujours obligés de vivre de l'expérience, puis qu'on dit, bon, ben, l'expérience, ça se transmet pas, et ainsi de suite. C'est parce que les êtres n'ont pas suffisamment de conscience vibratoire pour pouvoir permettre à l'autre de rentrer dans une conscience vibratoire en sympathie. Mm-hmm. Ça fait partie de la nouvelle évolution. OK, OK. Donc, les gens pourraient ensemble, juste par la communication, évoluer énormément, se transférer d'un disque dur à l'autre, d'une multitude c'est de ça. Exactement. Et exactement. Ça bloque. C'est ça. C'est dû à quoi? La personnalité, strictement? Ça bloque strictement dû à la personnalité, puis à notre très, très grande difficulté à transmettre de l'information. Quand on parle à l'être humain, c'est pas de l'information qu'on transmet. On transmet de la personnalité. L'impression. Toujours de l'impression. On veut toujours que l'autre nous reçoive, nous adule. C'est pas de l'information. J'ai testé le médecin en fin de semaine, là, ou depuis une semaine. Là. Puis, c'est un médecin. Puis, c'est intéressant parce que, à un certain moment donné, pour pas interférer avec ce qu'il fait comme travail, bon, là, je vais y parler. Puis, je vais rentrer complètement dans son domaine. Dans le domaine qui, pour lui, là, fait partie du médical. Puis il est assez intelligent pour écouter. Fait que c'est ça un médecin. Ça, c'est des grands médecins. Puis il n'y en a pas beaucoup sur la planète du monde même. Fait qu'au niveau des relations humaines, c'est la même chose. Si on était capable de transmettre, mais s'il sentait le médecin que je veux y en imposer, parce que je suis Bernard de Montréal, là, à ce moment-là, il me mettrait à sa place. Puis il me sortirait de son étude. Mais c'est pas ça. Quand je parle, c'est réellement, il transmet de l'information. Puis, alors, si on était capable de transmettre de l'information au niveau du mental et ne pas laisser notre personnalité interférer, à ce moment-là, les gens, ça se répandrait dans le monde, ça, cette information-là, puis les gens grandiraient puis évolueraient très rapidement. Pourquoi? Parce qu'il n'y aurait pas de problème de territorialité. Mm-hmm. Pas de problème de territorialité. Les gens ne se remettraient pas en question. Les gens ne se remettraient pas en question. Les gens seraient toujours respectés, et ainsi de suite. Quand tu parles à quelqu'un, faut que tu le respectes. Faut qu'il sente que tu le respectes. Et suite, c'est un gros. Si c'est un doctorat puis il n'a pas, faut qu'il sente que tu le respectes. Fait que si c'est un doctorat puis tu parles à quelqu'un qui n'a pas, puis t'es capable de transposer de l'information tout en le respectant, c'est énorme ce que tu vas faire avec cette personne-là. Donc on était constamment abattu, puis notre droit à l'écoute a été aboli pendant des siècles. Là, ça commence à revenir, puis avec le temps, ça va créer des nouveaux réseaux de développement chez l'homme. Puis il y a des êtres qui vont écrire des choses merveilleuses. L'homme a des choses à dire, l'homme a des choses à écrire. C'est plein d'hommes qui ont des choses. Mais quand on aura suffisamment d'intelligence pour les écouter, pour les lire, ces êtres-là, à ce moment-là, l'information passera dans le monde, puis on rentrera dans une sorte d'Internet, mais à un autre niveau. Mm-hmm. Bon, s'il y a tant de difficultés au niveau de la personnalité à communiquer avec les autres, est-ce que ça veut dire qu'il y a trop de valeur qui est accordée à l'information? C'est pas tellement qu'il y a de la valeur accordée à l'information, mais c'est parce qu'il y a trop de valeur accordée à nos personnalités. On se donne la valeur parce qu'on n'a pas d'identité. Le problème de l'homme, c'est un manque d'identité. Si l'homme avait son identité, s'il était dans son identité, dans sa réelle identité, il n'y aurait jamais de problème au niveau de la communication. Autrement dit, on est tous des petits culs en culotte courte, puis on veut tous se donner l'apparence d'être grand. On a de la misère à rester réel, à se mettre soi-même dans des petites culottes courtes. Si on était capable de se mettre volontairement petit, de se rapetisser réellement, à ce moment-là, ça serait facile d'être grand. Mais c'est pas ça. On veut toujours être grand parce que dans le fond, on est des petits culs en culottes courtes. On est petit. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile d'être, comme vous dites, petit? Parce qu'on n'a pas été bien éduqué. On n'a pas été dit quand on était jeune qu'on était grand. On n'a pas été dit qu'on était intelligent. On n'a pas été dit qu'on avait accès à notre propre source. On n'a pas été dit que notre source pouvait, si on ne faisait pas attention, nous assujettir à des formes de viol, ce que j'appelle le mensonge cosmique. On n'a pas été dit comment ça fonctionne, l'homme. On a été dit simplement comment est-ce que l'homme apprend, comment est-ce que l'homme se forme, mais pas comment l'homme s'informe. Donc, à ce moment-là, ben, on n'a pas d'identité. Puis, tu regardes dans le monde des êtres, des professionnels ou des non-professionnels, puis c'est abominable combien peu d'hommes ont de l'identité. C'est l'envers de la réalité complètement. Mm-hmm. Fait que c'est normal qu'on vive sur une planète comme la nôtre, de la façon qu'on vit, parce que il n'y a pas suffisamment de lumière chez l'individu pour statuer la réalité. La dynamique, donc, de l'expérience, l'individu va la briser quand il va être capable de communiquer avec les autres? La dynamique de l'expérience, l'individu va la briser quand il va être capable d'interpréter sa pensée objectivement. Puis ensuite, communiquer avec les autres, ça va être une conséquence de ça. C'est facile dans mon expérience de vous expliquer, de vous dire, bon ben, si je suis malade, comme le médecin me le dit, puis je vais par en dedans, puis ça me dit que je suis pas malade. Pour moi, c'est facile de comprendre ça. Parce que ça fait partie de mon vécu. Mais quand l'homme est dans la, quand l'homme est dans un certain niveau d'inconscience, puis tu y arrives avec des modes de communication comme ça, quand lui est pas capable de communiquer, c'est pas facile pour l'homme d'absorber ces niveaux de réalité-là. Puis je le comprends. Par contre, faut que ça soit dit un jour, parce que un jour, dans le temps, l'homme va le réaliser que c'est de même que ça fonctionne. On peut plus, aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, à partir du moment où la fusion s'est établie sur la Terre en 69, on peut plus étudier l'homme avec les instruments de l'évolution, parce qu'on est déjà sorti du Moyen Âge psychologique. Mmh. On est sorti des périodes où l'inconscience de l'humanité faisait ombrage complète sur la conscience de l'homme. Mm-hmm. Fait que il y a un petit soleil là, qui passe à travers les nuages de l'expérience humaine, puis il faut qu'on puisse commencer à traiter avec cette nouvelle information-là. Mais faut pas y croire. Parce que là, à ce moment-là, je deviens un autre gourou. Là. Faut pas croire. Donc, ma vie, ça a été de défaire la croyance. L'ancienne vie de l'humanité, ça a été de la stipuler, la croyance. De la conjurer, la croyance. De la cristalliser dans la forme, la croyance. Dans la prochaine évolution de l'âme, universelle, individualisée sur la Terre, ça va être la destruction de la croyance. Donc, une fois que tu ne peux pas, sur une planète expérimentale, accéder à de l'information universelle, si tu crois. Parce que les forces vont toujours, à partir du moment où les forces communiquent avec l'homme, techniquement, il est dans le pouvoir de sa lumière. Mais les forces, vous allez voir dans l'expérience, les forces vont toujours s'opposer à ce que vous croyez, que vous les croyez, parce que il n'y a pas de substance réelle. Il n'y a pas d'essence dans de la croyance. Mm-hmm. C'est comme passif, un mental. La croyance, c'est totalement de la personnalité. Il n'y a pas d'esprit dans la croyance. Puis vous allez voir au fur et à mesure que l'homme va apprendre à communiquer avec le plan mental, que le plan mental va toujours jouer sur les cordes sensibles de sa croyance. Des fois, ils vont vous faire croire puis ça va marcher, puis des fois, ils vont vous faire croire puis ça ne marchera pas, pour briser la polarité psychologique de l'ego. Parce qu'une fois que la polarité psychologique de l'ego est rompue, à ce moment-là, il y a un début de fusion, il y a un début d'intelligence, il y a un début de conscience, il y a un début d'appartenance universelle à un plan d'évolution qui, pour le moment, est caché à l'âme, mais qui éventuellement fera partie de son ouverture sur les autres plans, une fois qu'il aura posé la conscience éthérique, et ainsi de suite. Donc, on ne peut plus être passif par rapport à l'information. De la croyance et de la passivité par rapport à de l'information. Mm. C'est très dangereux, de la croyance. Vous avez simplement à étudier l'histoire de l'humanité. Toutes les souffrances de l'humanité, ça a été basé sur de la croyance. Toutes les dictatures, tous les viols contre l'homme au nom de la civilisation, de la judéo-chrétienté, ça a été basé sur la croyance. Les peuples ont été assujettis au niveau de la croyance. Les Québécois ont été assujettis à l'Église au niveau de la croyance. La croyance, c'est anathème à la lumière. Et vous le verrez dans votre expérience. Votre source, votre propre lumière, votre propre conscience ne traitera jamais avec la croyance. Ils vont vous tester pour voir si vous avez des causes subtiles qui entretiennent la croyance, puis ils vont vous la faire sauter une après l'autre. Mm-hmm. Fait que là, vous allez vous fâcher parce que vous allez dire, bon, ben, les forces ne nous informent pas. Puis les forces ne vous informent pas parce que vous n'avez pas la capacité d'être informé. Si vous aviez la capacité d'être informé, à ce moment-là, ben, les forces vous informeraient. Vous, quand vous avez votre fusion, il n'y a personne qui vous a dit, il y a des forces. Vous l'avez constaté. Est-ce que ça va se produire de la même façon pour tout le monde? Est-ce que les gens vont constater qu'ils ont une communication avec les forces? Même si ça leur a été dit. Oui, ils vont le constater. La seule différence, c'est que ça ne sera pas aussi difficile. Parce que ça leur a été dit? Parce que ça leur a été dit, parce qu'ils ne vivront pas une fusion instantanée. C'est la fusion instantanée, la perte instantanée de ta personnalité qui est difficile. Vous autres, vous pensez, puis vous avez du fun à penser, puis vous avez un écran mental, vous êtes capable de vous imaginer... des choses dans votre tête. Vous êtes capable de penser dans votre tête. Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, pas avoir ça. Pas pouvoir penser. Pas pouvoir l'imaginer. Fait que la fusion radicale, comme dans mon cas, où la personnalité est totalement exclue des paramètres psychologiques de la conscience planétaire, bon, c'est une grande souffrance. C'est avec les années qu'on en arrive à composer avec et à l'intégrer, ça, cette énergie-là. Mais ça, ça fait partie de ma vie personnelle. Mais l'homme n'a pas à vivre ça, puis l'homme ne devrait pas vivre ça. Puis l'homme ne vivra pas ça. L'homme vivra une conscience graduelle qui grandira en lui, puis c'est tout ce qu'il a besoin. On n'a pas besoin d'être sorti de l'expérience matérielle puis de vivre dans une conscience mentale sur la Terre. On a besoin d'être dans une conscience matérielle, mais avoir accès à une conscience mentale. Parce que moi, je vis dans une conscience mentale puis je traîne mon corps physique en arrière. Fait que ça, c'est pas le fun parce que tu peux pas vivre comme tout le monde. Vous autres, vous allez au restaurant, mais votre steak est bon, vous dites, bon, je m'en allais faire un voyage en Europe, vous êtes content, vous avez des paramètres psychologiques, vous avez des aspects humains qui sont intéressants, qui vous font dire, bon, mais la vie est belle, comme mon chum. Mais moi, je suis capable de dire la vie est belle. Parce que pour moi, la vie, c'est une étude constante de la relation entre les forces occultes et le plan matériel. La vie sera belle, moi, c'est le plan intellectuel. C'est à ce temps-là, mais la vie ne peut pas être belle. Elle peut être calme, elle peut être tranquille, elle peut être sans souffrance, mais elle n'est pas belle. Parce que vous êtes capable de dire que votre vie est belle. Vous rencontrez votre blonde le samedi soir, vous êtes content, vous êtes fou de la merde. Je suis content que ce soit de même. Mm-hmm. Mais tu ne peux pas vivre ça en fusion. Fait qu'en fusion, tu as d'autres choses. Fait que là-bas, on va dire, ah, mais ben non, Montréal, chanceux, hein? Ça, c'est votre point de vue à vous autres. Tu sais, je veux pas dénigrer là, ma conscience, je veux pas dénigrer mon genre de vie, puis c'est évident que je voudrais pas revenir puis être comme vous autres. Par contre, je peux pas non plus m'engager à dire que l'état dans lequel je suis est meilleur que le vôtre ou privilégié au vôtre. Parce que c'est un état de souffrance constante à des niveaux que vous autres, vous voyez pas, mais qui, pour moi, représente toujours le processus de fusion. Tandis que l'homme, j'aime mieux voir l'homme faire ses affaires à son rythme, mais il faut que quelqu'un, quelque part, dans le temps, dépasse les principes christiques de l'évolution. Autrement dit, il y a des choses qu'on doit connaître concernant les lois de l'amour, il y a des choses qu'on doit connaître concernant le respect, concernant les principes fondamentaux de la conscience universelle sur la Terre. Il y a des choses qu'on doit connaître concernant tout le phénomène de la volonté puis de l'esprit. C'est quoi ça, cette affaire-là? Bon, ben, ça prend une fusion pour ça. Que si vous voulez, je vous dise. Ça prend une fusion. Mais c'est pas un avantage d'être comme ça. Puis de l'autre côté, c'est pas un désavantage. Non plus, parce que je voudrais pas être dans l'inconscience d'avant 69. C'est abominable pour moi. Quand je regarde qu'est-ce que c'est un égo, là, tu sais pas ce qui va arriver dans un an. Là. Tu sais pas si ton mariage va durer. Tu sais pas si ta job va durer. Tu sais pas si tu vas être dans la bonne job longtemps. Tu sais pas si tu es dans la bonne job. Tu sais pas si tu rencontres la bonne fille. Tu sais pas rien. Tu sais jamais rien. C'est du doute permanent. C'est du doute permanent. Tu fais fatiguant. Tu sais pas si Dieu existe. Tu poses des questions. Tu sais pas si l'avortement, c'est bon ou c'est pas bon. Tu sais, tu es jamais capable de répondre à quelque chose d'une façon absolue. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de conscience absolue. Fait que c'est normal. Mais c'est fatiguant, ça. Tandis que moi, j'ai pas ça, ces problèmes-là. Mm-hmm. Fait que vous dites, vous, qu'on peut faire cohabiter cette conscience des plans-là avec une vie normale, ben une vie, en tout cas, la vie que tout le monde vit, là, la vie de l'âme. Là. Ça cohabite, ça, puis c'est... Ça cohabite dans la mesure où vous vous protégez. Il faut que vous appreniez, d'ailleurs, vous avez rien que ça à apprendre. Vous avez seulement à apprendre dans la vie à vous protéger tout le temps, puis tout le temps, puis tout le temps, puis tout le temps. Fait que si vous apprenez à vous protéger dans la vie, vous allez avoir une vie normale, un petit peu plus consciente, plus intelligente. Si vous ne vous protégez pas parce que vous êtes spirituel, ou parce que vous avez une conscience occulte, ou parce que vous voulez évoluer, à ce moment-là, bien là, vous allez vous rentrer dans les murs. La seule chose que l'homme doit faire, c'est se protéger. C'est ce que j'enseigne à ma fille, moi. Protège-toi, protège-toi, protège-toi, protège-toi. Ça veut dire quoi, se protéger? Ça veut dire, fais-toi pas chier par la vie. Mm-hmm. Ça, c'est ça que ça veut dire, se protéger. Fais-toi pas chier par le monde, parce que le monde, c'est en vie. Fait que si tu fais pas chier par le monde, tu te protèges. Mm-hmm. Parce que c'est pas nous autres. Nous autres, on n'a pas de problème. Si tu regardes l'individu lui-même, là, tout seul, oublie oublie sa relation avec les hommes, rien que l'individu. Okay. L'esprit, l'âme, la matière, le corps. Pas de problème avec un individu comme ça. Mais c'est aussitôt qu'il vient en contact avec l'âme qui commence à être pollué. Fait qu'à ce moment-là, ben, il développe sa personnalité, il se protège plus. Mm. Notre problème sur la Terre, c'est d'apprendre à se protéger. Faut qu'on se protège contre les idéologies des pays socialistes. Faut qu'on se protège contre les religions. Faut qu'on se protège contre les croyances. Faut que l'homme se protège. Fait que s'il se protège, bien, il se protège contre la souffrance. Faut que tu te protèges contre les avocats qui sont véreux. Faut que tu te protèges contre les médecins qui sont pas réellement des grands médecins. Faut que tu te protèges tout le temps. La vie, c'est de se protéger. C'est tout ce que l'homme a besoin. Mais, en général, c'est pas ça qu'on veut. On veut de la connaissance. Mais je vais vous dire une chose. La connaissance mène à une chose sur la Terre. À se protéger. C'est ça que ça mène. À cause des déceptions. Ben oui, parce que la connaissance, éventuellement, t'en as tellement, t'es tellement plein de cette affaire-là, de cette énergie-là, que ça devient un outil pour tout investiguer, pour tout étudier, pour constamment te protéger. C'est tout ce que l'homme a à faire, se protéger sa planète. Donc, les mécanismes de protection, c'est pas simplement fondé sur la crainte, là. Ça peut être très intelligent de se protéger, là. Les mécanismes de protection ne sont pas basés sur la crainte. Ça fait partie de l'intelligence. Un être qui est intelligent, il se protège. Il va se protéger. Fait que, un être qui n'est pas intelligent, qui est spirituel, il dit, bon, mais moi, je suis protégé, je vais pas prendre d'assurance sur ma maison. Ils vont te faire brûler ta maison. Mm-hmm. Elle va brûler. Moi, j'ai un ami qui est dans le sud, là. Il a laissé sa maison à Sherbrooke. Puis, c'est un homme qui doit être dans le sud parce qu'il doit travailler là-bas, il y a un travail important à faire. Puis, il était pris entre sa maison à Sherbrooke, puis le sud. Puis, quand il est parti pour le sud, là, deux semaines après, l'éclair a tombé sa maison, net et brûlé. Il est tout juste resté dans le sud depuis cette maison. Fait qu'ils ont pris... Mais, il avait pris les assurances. Fait que c'était protégé. Fait que, faut que l'homme se protège. Puis, on n'a pas été réellement averti dans cette science-là de se protéger. Pourquoi? Parce qu'on est naïf. Mm-hmm. On est très, très naïf. On pense qu'on est smart, mais on est très, très naïf sur la Terre, parce qu'on ne connaît pas les lois occultes de l'esprit. Puis on ne connaît pas aussi la prédisposition de l'âme pour la souffrance. Ben Bernard, je vous reviens à la deuxième partie. On prend un 30 minutes d'arrêt et on se revoit tout à l'heure. Merci.